savez ce que j'ai fait. C'est peut-être bien fait pour ma gueule. À quel moment j'ai dérapé? Pourquoi tu me laisses crever toute seule? Avant pour toi j'étais sacrée. Tu me protégeais tous mes cauchemars. Personne ne pouvait m'approcher. Tu me protégeais tous les connards. Comme un labrador au mois d'août, je me dessèche au bout d'une laisse. Abandonné au bord de la route, en train de crever de tristesse. En train de crever de tristesse. Autrefois quand j'étais à terre, tu me ramassais à la petite cuillère. J'ai vu souffrir pire que la mort. J'ai vu si mal, j'en tremble encore. Maintenant j'existe même plus pour toi. Maintenant je sais plus pourquoi je suis là. J'ai tout en sang à l'intérieur. J'suis dans le noir, j'ai froid, j'ai peur. Comme un labrador au mois d'août, je me dessèche au bout d'une laisse. Abandonné au bord de la route, en train de crever de tristesse. En train de crever de tristesse. On riait de ce monde stupide. On avait les mêmes ennemis. Et d'un coup comme ça c'est fini. Maintenant t'aimes même plus ma musique. Mais emmerde, ne t'inquiète plus. Les tours jumelles d'Amérique sont un tas de cendres au coin de la rue. Comme un labrador au mois d'août, je me dessèche au bout d'une laisse. Abandonné au bord de la route, en train de crever de tristesse. En train de crever de tristesse. Yes.